Voici, en 40 minutes environ, de très larges extraits de Cyrano de Bergerac, comédie héroïque en 5 actes et en vers, écrite par Edmond Rostand et jouée pour la première fois en 1897.